السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on est au cours numéro 16 de l'explication résumée du livre de l'unicité par Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Et on est arrivé à la parole de Cheikh Al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah qui disait wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين من سورة الأحقاف. Donc l'auteur, car il fasse miséricorde, il dit, et sa parole dans la traduction du sens est, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, et que la vie ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation, et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leur ennemi et nieront leur adoration pour elles. Surat al-Ahqaf, versets 5 et 6. Dans l'action de l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, sur ce passage, il dit « Man adal, ay la ahad ashaddu dalala, man adallu » que l'on a traduit ici par « qui est plus égaré », c'est-à-dire que personne n'est plus égaré que lui ou elle. « Min dunillah, ghayrillah » min dulillah, en dehors d'Allah, c'est-à-dire autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La yastajibu lah, la yaqdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma talaba minh. La yastajibu lah, ne lui répond pas, c'est-à-dire n'est pas capable de lui répondre en lui donnant ce qu'il lui a demandé. Wa hum, ay al-mad'uun, wa hum, c'est-à-dire il ou elle, c'est-à-dire ceux qui sont invoqués, an du'a'ihim, ay du'a'a, من دعاهم من المشركين عن دعائهم c'est-à-dire à leur invocation, c'est-à-dire l'invocation de ceux qui les ont invoqués parmi les polythéistes, les associateurs. غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. Donc غافلون, indifférents, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas l'invocation de ceux qui les invoquent, car ils sont soit morts, soit des choses matérielles, ce qu'on appelle jamad, ou le jamadat en arabe, des choses matérielles sans vie, ou des anges qui sont occupés avec ce pour quoi ils sont créés. Wa idha hushira an-nas jumi'u li yawm al-qiyamah. Wa idha hushira an-nas, et quand les gens seront rassemblés, c'est-à-dire rassemblés pour le jour du jugement, كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله. كانوا, elles seront, c'est qui elles seront? Eh bien, c'est-à-dire les divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah. لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم. لهم أعداء, leurs ennemis, c'est-à-dire qu'elles se désavoueront de ceux qui les ont invoqués et seront leurs ennemis. Kafirin, jahidin li ibadati man abadahum. Kafirin, c'est-à-dire qu'ils nieront, elles nieront ces divinités, elles nieront l'adoration de ceux qui les ont adorés. Maintenant, on a le sens général du verset. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn, en vérité, c'est des deux versets. الشيخ فوزان يجي حفظه الله أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجحد أو وتجحد عبادته في الآخرة وأحوج ما يكون إليها. Donc le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut a jugé que nul n'est plus égaré que celui qui invoque des créatures alors qu'elles ne sont pas capables de répondre à leur invocation dans ce bas monde et ne perçoivent pas l'invocation de ceux qui les invoquent. Et lorsque la résurrection aura lieu et que les gens seront rassemblés, elles seront les ennemis de ceux qui les ont invoqués et se désavoueront d'eux. Et donc ce polythéiste, cet associateur, n'est qu'un malchanceux dans les deux mondes. Il n'obtient pas de réponse dans le bas monde et son adoration est niée dans l'au-delà, alors qu'il est le plus en besoin. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. Le rapport ou le caractère opportun entre ces deux versets de sourate Al-Ahqaf et le chapitre qu'on est en train d'étudier, c'est quoi le chapitre d'ailleurs? On va voir si vous suivez. C'est important, toujours j'ai dit, Mohamed Abouhab, rahimahullah, l'auteur, il a fait ce livre, il l'a écrit avec un certain tertib. Et c'est important de comprendre le livre dans son entièreté, et puis comment chaque chapitre s'articule dans ce livre, et puis sous chaque chapitre, comment ces versets, ces hadiths sont une preuve pour ce chapitre. Ou le caractère opportun et le rapport entre ces preuves et le chapitre. Donc c'est quoi le chapitre? Ça fait partie de l'association de quoi? De demander secours ou de d'invoquer autre qu'Allah. Donc le rapport entre les deux versets et le chapitre qui vient de citer le frère, c'est qu'il y a dans les deux versets le jugement au sujet de celui qui invoque autre qu'Allah, qu'il est le plus égaré de ceux qui sont égarés, et que l'invocation est un acte d'adoration. On prend ça de ces versets-là aussi. Et que donc, comme c'est un acte d'adoration, que quiconque le voue à autre qu'Allah est un politiste, un mushrik, un associateur. Ma yustafadu min al-ayatayni. Ce que l'on tire comme bénéfice des deux versets. أولا أو الفائدة الأولى أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. L'invocation est un acte d'adoration et donc quiconque invoque autre qu'Allah aura associé à Allah d'une association majeure. الفائدة الثانية بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. La mise en évidence du malheur dans ce bas monde et dans l'au-delà de ceux qui invoquent autre qu'Allah. Troisième point, troisième point, c'est que l'association à Allah est le plus grand des égarements. Rabi'an, ithbat al-ba'th wal-hashr lil-jaza. L'affirmation de la résurrection et du rassemblement pour la rétribution. الفائدة الخامسة سانكي بنفيس أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. Les idoles n'entendent pas ceux qui les invoquent et ne leur répondent pas contrairement à ce que croient les polythéistes à leur sujet. سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. Sixième bénéfice et dernier pour ce passage, il y a le bien de ce bas monde et de l'au-delà dans l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn, Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah, il dit, wa qawlihi ta'ala, amman yujibu al-muttarra idha da'ahu yakshifu al-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard, a ilahum ma'allah, qalilam ma tadhakkaroun. Min surat al-Naml. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et la parole d'Allah dans la traduction du sens est, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Surat Naml, verset 62. Cheikh Al-Fawzan explique ce passage hafidahullah ta'ala en disant amman ay man huwa. Amman, c'est-à-dire qui est ce qui? Al-Muttar Al-Makroub, l'adi massahu d'dur. Al-Muttar, l'angoissé, l'affligé qui a subi un malheur. Khulafa'u l'ard, al-idafatu bima'nafi. Ayyakhlufu kullu qarrin al-qarn l'adi qablahu fil ard. Khulafa'u l'ard, ici c'est ce qu'on appelle une idafa, une adjonction en langue arabe. Vous avez un mudaf ilayh. Khulafa'u l'ard. Les générations qui se succèdent, l'adjonction a le sens de fi. Ici, fi, il ne faut pas traduire par dent. Hein. Pourquoi? C'est quoi l'autre sens? Ahsan, ta'ala, pourquoi? Vous connaissez le hadith Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. C'est-à-dire, ala l'ard. C'est-à-dire que fi, parmi les sens du fi dans la langue arabe, c'est au-dessus de. C'est-à-dire le holo. Fauq. Ce que disent les chrétiens, c'est ça. Ce que disent les chrétiens, dans quel sens? Je n'ai pas compris. Ils disent qu'il est dans le corps des gens. Que Allah, il est dans le. Il y a même des sectes de Moubtadi'a qui disent ça. Il y en a qui disent qu'il est dedans, et il y en a qui disent qu'il fait. Tout est un, en fait. Tout est Allah. C'est le Hululiya, et c'est ce qu'on appelle Ahl Wahdat al-Wujud, ceux qui voient le Wahda. C'est-à-dire que tout est Allah, wal'adhu billah. On a un article traduit là-dessus sur le site SPF de Cheikh Rabia. Ici, c'est important de savoir ça. Comme dans le hadith, en Allah, fi sama. Donc ici, tout ça pour dire qu'ici, c'est le sens de. C'est pour ça que nous on a traduit par sur. C'est-à-dire que chaque génération succède à la génération qui la précède sur terre. Évidemment, pas dans la terre. A-ilahun, y a-t-il donc une divinité? A-ilahun, ma'allah. أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم ينعم عليكم هذه النعم أإله y a-t-il donc une divinité, c'est-à-dire en dehors de lui, qui vous fait ces choses-là et vous comble de ses bienfaits? قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. قليلا ما تذكرون, c'est rare que vous vous rappeliez. C'est-à-dire que vous vous rappelez peu la grandeur d'Allah, ainsi que ses bienfaits sur vous. Et c'est pour cela que vous lui avez associé autre que lui dans son adoration. Le sens général du verset, al-ma'na al-ijmali al-aya, yahtajju ta'ala 'ala al-mushrikeena fi ittikhadihim ash-shufa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allahi lahum 'indama ma yad'una fi halati shiddah wa fi hali shiddah wa kashfihi as-su' an-nazil bihim وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور كيف يعبدونها مع الله ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في الشرك. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut utilise comme preuve contre les polythéistes en ce qu'ils ont pris des intercesseurs en dehors de lui, ce qu'ils ont su et ce qu'ils ont approuvé en termes de réponse d'Allah à eux lorsqu'ils l'invoquent en situation de difficulté, et qu'ils dissipent pour eux le mal qui les touche, et qu'il les fait se succéder génération après génération sur terre, après qu'ils meurent. Mais ils ne se rappellent pas les bienfaits d'Allah sur eux, si ce n'est que peu, d'une manière qui n'engendre pas en eux la crainte d'Allah, et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'association à Allah. Comme ici un petit passage que j'ai oublié de traduire ici, فَإِذَا كَانَتْ أَلِيهَتُمْ لَا تَفْعَلُوا شَيْءٍ مِنْ هَذِي الْأُمُورِ. Il dit, et justement, si leur divinité ne fait aucune chose parmi ces choses, comment peuvent-ils donc les adorer avec Allah? J'ai envie de le donner plus tôt parce que j'avais deux passages ici. Je vais retrouver avant que j'oublie. Il y en a que je ne retrouve pas, mais je retrouverai après. Maintenant, le rapport entre le verset et le chapitre. Anafiha butlan al-istighatha bi ghayrillah li'annahu la yujibu al-muttarra wa yakshifu as-su' an-nazila wa yuhyi wa yumit siwahu subhanahu wa ta'ala. Le rapport entre le verset de sourate Naml et le chapitre est qu'il contient la démonstration de la fausseté de la demande de secours à autre qu'Allah. Car nul ne répond à l'angoissé et ne dissipe le mal qui touche quelqu'un, et nous donne la vie et nous donne la mort en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les bénéfices qu'on tire de ce verset, de surat Naml, « Ma yustafadu min al-aya » أولاً بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. La fausseté de la demande de secours à autre qu'Allah quant à ce dont seul Allah est capable. Retenez ce point-là, on va y revenir plus tard. Et je vais voir si je vais tester un peu votre compréhension, inshallah, d'un autre point. Deuxième point, الفائدة الثانية أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Les polythéistes associateurs affirment l'unicité de seigneurie, mais cela ne les a pas fait entrer en islam. Thalithan, ou al-fa'idatu thalitha, al-istidlalu ala tuhidi al-ilahiyyati bi tuhidi al-rububiyya. Eh bien, c'est utiliser l'unicité de seigneurie comme preuve de l'unicité de divinité. Quatrième point, et quatrième bénéfice, et c'est le dernier pour ce passage, al-ihtijaju al-mushrikina bima aqarru bihi ala ma jahadu. C'est important pourtant les ulama salafis de comprendre ces choses-là. C'est l'argumentation contre les polythéistes en utilisant comme preuve ce qu'ils ont affirmé contre ce qu'ils ont dénié. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, on continue dans le maître. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Et At-Tabarani a rapporté avec sa chaîne de transmission qu'il y avait au temps du prophète صلى الله عليه وسلم un hypocrite qui causait du tort aux croyants. Certains ont alors dit, allons donc demander secours au messager d'Allah. Faites attention à la formulation. Vous voyez, le français c'est dangereux. Hein? Regardez la formulation en arabe. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. Allons donc demander secours au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce n'est pas à moi que l'on demande secours, mais on demande secours qu'à Allah. Et le hadith, il est rapporté par At-Tabarani, akhraj At-Tabarani, wa qal haythami fil mujamma', ay mujamma' al-zawa'id, rawahu At-Tabarani wa rijaluhu rijal al-sahih, ghayr ibn al-hiya'ah, wa huwa hasan al-hadith. On ne va pas rentrer trop dans le sanad, mais retourner au tahrij de Cheikh al-Albani par rapport au sanad, inshallah. Tabarani, il a rapporté, rahimahullah, ce hadith, et Al-Haythami, il a dit dans son Mujam' al-Zawa'id, qu'il est rapporté par Tabarani, et ses hommes, c'est-à-dire de la chaîne de transmission, sont les hommes de l'authentique du Sahih, sauf Ibn al-Hi'ah, qui est bon, Hassan dans le hadith. Ceux qui ont fait le hadith, ça doit déjà attirer leur attention ce qui a été dit ici. De toute façon, revenez au Tahrij de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Par rapport à ce Ibn al-Hi'ah et par rapport au Sanad. Et Cheikh al-Fawzan, hafidallah, il explique, il dit At-Tabarani, ou al-Hafid al-Imam, Sulayman ibn Ahmed, sahib al-Ma'ajim al-Thalatha. At-Tabarani, c'est l'Imam, al-Hafid, c'est des titres, al-Imam, al-Hafid, Sulayman ibn Ahmed, l'auteur des trois Ma'ajim, c'est le pluriel de Mu'ajam en arabe. Bi-Isnadih, إلى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بس كلا دي بإسناده روى الطبراني بإسناده تدير عكس شين الترانسميسيون جوسكا عبادة ابن الصامت كيت ان كومبانيون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. Un منافق c'est-à-dire un hypocrite et c'est en fait عبد الله بن أبي بن سلول la tête, le leader des hypocrites. Vous comprenez maintenant comment les Khawarij et les Takfiriyoun, parmi Daesh et d'autres, pourquoi ils appellent Al-Mamalak al-Arabi al-Saoudia, comment ils l'appellent? Al-Sululiya. C'est un takfir ça. C'est en référence à la tête des hypocrites à l'époque du prophète, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Que vous compreniez qu'est-ce qu'ils disent. Ce n'est pas une faute de frappe. Hein? Quand ils disent Al-Sululiya, c'est un jeu de mots pour faire un takfir sur Al-Mamalak al-Arabi al-Saoudia. Donc, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête, le leader des hypocrites. Et l'hypocrisie ici, c'est de, comme le cheikh il dit, Al-Nifaq huna idharu l'islam wa ikhfa'u l'kufr. Et l'hypocrisie ici, c'est de montrer en apparence l'islam, mais de dissimuler intérieurement la mécréance. نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى. Nous demandons secours au messager d'Allah, c'est-à-dire que nous lui demandons d'arrêter cet hypocrite de nous causer du tort. Alors maintenant on s'arrête, je vais tester votre compréhension comme j'ai dit. Il n'y a rien qui vous... Dans ce hadith, il n'y a rien qui attire votre attention. Le quoi? Et quoi? Et si je te demande secours dans ce que tu es capable de faire? Je dis si tu es capable de le faire. C'est un autre terme. C'est autorisé ou pas? Dans ce cas, oui. Pourquoi le prophète Azim a fait un blâme, il a fait un reproche? Incapable de faire ce que je peux. Le prophète Azim était capable d'arrêter Abdallah ibn Salou. La réponse, elle va arriver, Inch'Allah. Nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alayhi, demandons secours au messager d'Allah, c'est-à-dire nous lui demandons d'arrêter cet hypocrite de nous causer du tort. Innahu la yustaghathu bi kariha sallallahu alayhi an yasta'mala hadha al-lafd fi haqqi. Vous avez déjà un élément de réponse. Ta'adduban ma Allah. Innahu la yustaghathu bi, on ne me demande pas secours. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi a détesté qu'on utilise cette formulation à son égard. Et ce par bonne manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez avoir plus d'éléments de réponse plus tard, Inch'Allah, dans les bénéfices du Sheikh Fawzan Hafidhahullah. Le ma'na l'ijmali lil hadith, le sens général du hadith. لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين من ذلك ما حصل من هذا الرجل حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le Nabi Sazim yaqdiru ala dhalik. Lakin lamma kanat as-sighatu allati taqaddamu biha ilayhi fiha isa'atu adab ma'a Allah ta'ala la yanbaghi an tuqal. Istankaraha an-Nabi Sazim ta'liman lis-sahaba wa saddan lid-dari'a lid-dari'ati ash-shirk wa himayatan lit-tawhid. C'est important de comprendre le dhabit. Demander de l'aide, c'est pas toujours du shirk. Ne faites pas comme le Tekfiri, il a pris une lourde peine de prison là, pour envoyer des jeunes en Syrie. D'ailleurs, je ne sais pas comment des jeunes peuvent écouter, parce que je le connais. On le connaît en Belgique, etc. Et c'est parmi, comme disent les Arabes, il a dit « Ajhalou min himari ahli ». Hein? Il est plus ignorant que l'âne de son... Hein? Il est très très ignorant, quoi. Il voulait absolument débattre en rentrant dans une mosquée avec des frères, etc. Il voulait absolument débattre. Et il avait un livre de Kitab Tawhid en français, traduit de Cheikh Saadi Rahimahullah, ou de Cheikh Al-Athaymin, je ne sais plus. Je crois que c'est Cheikh Saadi Rahimahullah. Non, de Cheikh Al-Athaymin. Il voulait montrer un point sur le fait que, il disait que nous, on prend les ulama comme des divinités en dehors d'Allah, etc. Enfin bref, et là il n'a pas compris. Les ulama ils disent, le dhabit c'est que tu rends l'obéissance aux ulama, c'est al-asl. Et que le fait de suivre le Coran et la Sunna, ça suit ça. C'est là que ça rentre dans le coffre. Hein? C'est un peu compliqué pour eux, ça. Alors je lui dis, écoute, moi je ne veux pas débattre avec vous, je te pose une question. Une simple question. J'ai dit, admettons maintenant que je viens avec un véhicule de livraison. Et qu'il y a beaucoup trop pour moi, tout seul, et que je demande de l'aide. En dehors d'Allah, parce que tu n'es pas Allah. D'accord? Est-ce que c'est du shirk? Il m'a dit oui. Je dis Allah al-Musta'an, et puis on l'a laissé là, on est rentré à la mosquée. Hein? Mais vous imaginez que ce genre de personne-là, il a embrigadé des gens et il a envoyé des gens en Syrie. Pour vous dire que, les ulama disent, il n'y a pas un égaré qui vienne sans qu'il ait des suiveurs. C'est vrai, il n'y a pas un égaré qui vienne sans qu'il ait des suiveurs. Hein? Non, le dhabit, c'est que tu demandes de l'aide à autre qu'Allah dans ce quoi seul Allah est capable de faire. C'est ça, elle est ici. D'accord? Que vous compreniez bien ça. En tatloub al-auna min ghirillah, fi ma liyakdiru alayhi illallah, les ulama ils disent. Mais tu sais, les tafsils, le détail, les règles, c'est trop compliqué pour eux. Hein? Kafir, c'est plus facile directement. Prendre les raccourcis. Il faut étudier, il faut apprendre l'arabe, il faut ceci. C'est pour ça qu'il dit toujours au salafi, vous allez étudier jusque quand vous? Subhanallah, l'a dit. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Jusqu'à la mort. Non. jusqu'à la mort. Hein? Qui va avoir l'encre pour écrire un talab et pour faire un talab jusqu'à la mort. Et c'est ça le hal des salaf. En sachant qu'ils n'ont pas commencé de toute façon pour se plaindre d'étudier trop. Donc, on revient ici au sujet. Le sens général du hadith. Lorsque l'islam fut fort, il y avait une catégorie de mécréants qui sont entrés en islam en apparence, tout en restant dans la mécréance intérieurement. Et ils furent appelés hypocrites. Des paroles et des actes qui oppressaient les musulmans émanaient d'eux, et parmi ceux-là, il y avait ce qui émanait de cet homme, à tel point que certains compagnons ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de l'en empêcher et de le réprimander. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, en était capable. Mais parce qu'il y avait dans la formulation par laquelle ils se sont présentés à lui un manque de bonne manière envers Allah le Très-Haut, car cela ne se dit pas, hein, nastaghithu bi rasulillah, d'accord ? Ça, ça fait référence au verbe que tu as dit toi, d'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé cette formulation en guise d'enseignement aux compagnons et afin de faire barrière à l'association à Allah et afin de préserver l'unicité. Vous vous rappelez cette règle de sadd al-dari'a, comme quand on a dit qu'on ne pouvait pas faire le dabh, même si c'est pour Allah, dans un endroit de célébration des kuffars ou un endroit où il y avait des actes d'association qui étaient faits et de polythéisme. Himayat al-Tawhid est afin de fermer la barrière. Comme tu ne peux pas prier à côté des tombes, etc. D'accord. Pourquoi ? Même pour Allah. Hein? Pourquoi ? Pour fermer la porte à ce qui peut amener au shirk. Munasabatul hadith lilbab. إن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لاستغاثة بغير الله. Le rapport entre le hadith qui est rapporté par Tabarani et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la réprobation du prophète عليه الصلاة والسلام quant à la demande de secours en dehors d'Allah. ما يستفاد من الحديث. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. C'est que on ne demande pas secours au prophète alayhi salatu salam et encore moins à autre que lui. Deuxième point, l'irshad ila husni al-lafzi wa himayat al-tawhid. Deuxième bénéfice, l'orientation vers la bonne formulation et la préservation de l'unicité. Troisièmement, sadd al-turuq al-mufdiyah ila al-shirk. Fermer les voies qui peuvent amener à l'association à Allah. Rabi'an, mashru'iyat as-sabr 'ala al-adha fi Allah. Le caractère légiféré de patienter quant au tort subi pour Allah. Khamisan, dhammun nifaq, c'est le blâme à l'encontre de l'hypocrisie. Et sixièmement, tahrimu adiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafiqin. Le caractère illicite de causer du tort aux croyants, car cela fait partie des actions des hypocrites. On rentre dans un nouveau chapitre, on ne va pas le terminer aujourd'hui, mais on va quand même rentrer un petit peu dedans, inshallah. Bab. قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من سورة الأعراف. L'auteur cher l'islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: et la parole d'Allah dans la traduction du sens est: est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. Sourat al-A'raf, verset 191-192. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Munasabatu al-bab li kitab al-tawhid, anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi al-adillata 'ala butlan ash-shirk wa bayyan hal al-mad. Al-mad'uwin min dunillah. Vous avez quoi ici vous? Les marques al-mud'a'un chez vous, non? Hein? وفي ذلك التقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. Le rapport entre le chapitre et corrigé, c'est peut-être une faute de frappe. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, y a mis en évidence les preuves sur la fausseté de l'association à Allah et la mise en évidence de la situation de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Et il y a en cela l'affirmation de l'unicité avec les preuves catégoriques. Est-ce qu'ils assignent comme associés? Istifham ou inkar? Vous avez compris que c'est une question ici. Ayushrikun. Ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Donc c'est quoi le sens de cette question? استفهام ce qu'on appelle en arabe استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. Est-ce qu'ils associent comme associés? Est-ce qu'ils associent comme associés? C'est une question. Et c'est une question de réprobation et de blâme à l'encontre de ceux qui assignent des associés à Allah dans l'adoration. ما لا يخلق شيئا, ce qui ne crée rien. أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. Ce qui ne crée rien, c'est-à-dire des créatures qui ne sont pas capables de créer et qui ne possèdent pas ce qui les rend en droit d'être adorés. وهم يخلقون أي هؤلاء وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. وهم يخلقون et qui eux-mêmes sont créés, c'est-à-dire et ceux-là qui sont adorés sont créés et la créature ne peut être un associé du créateur. ولا يستطيعون لهم نصرا أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. Et qui ne peuvent ni les secourir, c'est-à-dire que ceux-là qui sont adorés ne sont pas capables de secourir ceux qui les adorent. Ni se secourir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de repousser pour eux-mêmes ceux qui veulent leur causer du tort. Comment pourraient-ils donc les repousser pour autrui? المعنى الإجمالي للآية يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها بل ولا تدفعها عن أنفسها. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء الذي لا يعجزه شيء. Le sens général du verset, c'est qu'Allah le Très-Haut réprimande les polythéistes, car ils adorent en même temps que lui des autres qui ne créent rien et qui n'ont pas ce qui les rend en droit d'être adorés. Yani, ils n'ont rien en eux qui font qu'ils sont en droit d'être adorés et qui ne repoussent pas le mal pour ceux qui les ont invoqués. Mais de plus, vous vous rappelez, Bel, dans l'Ajromia qu'on a vu tout à l'heure, hein? Bel, il a dit le Cheikh ici, mais de plus, mais au contraire, mais seulement, mais de plus qu'ils ne repoussent même pas pour eux-mêmes. Et donc, si telle est leur situation, alors les invoquer est faux, car la créature ne peut être un associé du Créateur, et celui qui est incapable ne peut être un associé de celui qui est capable, Subhanah, le puissant, celui qui est capable de tout, Subhanahu wa ta'ala. Et on finit avec ces bénéfices-là, Inch'Allah, il y en a quatre. « Ma yustafadu min al-aya » ce que l'on tire comme bénéfice du verset. « Awalan butlanu shirki min asasih »« Li'annahu ta'alluqun ala makhlouqin ajizin » la fausseté de l'association à la base, car c'est le fait de s'accrocher à une créature incapable. « Thaniyan, anna al-khaliqa huwa al-mustahiqu lil-ibada » le créateur est le seul en droit d'être adoré. « Al-istidlalu » بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Ça c'est un point qu'on avait déjà rapporté précédemment, c'est important. Utiliser l'unicité de seigneurie comme preuve de l'unicité de divinité. رابعا مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل. Le caractère légiféré de l'argumentation avec les polythéistes afin de défendre la vérité et de subjuguer le faux. J'ai pas traduit par débattre parce qu'argumentation ça implique le fait d'avoir des arguments, des preuves. Sinon, quand tu vas pas à la guerre sans armes. Et là, c'est le silah, c'est l'ilm. L'arme, c'est l'ilm, c'est la science. Donc le cheikh, il dit, le caractère légiféré de l'argumentation avec les polythéistes afin de défendre la vérité et de subjuguer le faux. Avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.